بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Aujourd'hui donc on commence le cours 50 dans l'explication de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouri avec les commentaires de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de يعني الإيمان. Et on a expliqué la position d'أهل السنة والجماعة au sujet de الإيمان وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc on continue inshallah à ce sujet. Au dernier cours, à la fin, on avait commencé à lire certaines narrations des salafs au sujet justement de la question de الإيمان et la réfutation des Murji'a. Et donc on avait expliqué une des narrations et le Cheikh il dit ici Unzuru Mada Sayakul Ya Aba Abdurrahman Ma taqulu fi man yazni wa yasriq wa yashrabu al-khamar qala la ukhrijuhu min al-iman fahima min as-sa'il annahu min al-khawarij wa annahu yukaffiru biz-dhunub wa annahu يعني يخرج يعني يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان فقال لا أخرجه من الإيمان يعني فطن له فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا يعني الخوارج عندهم أهل السنة مرجئة فابن المبارك وأمثاله عندهم مرجئة لماذا؟ لأنهم لا يكفرون مرتكب الذنوب ولا يخرجونه من الإسلام فلذلك هم عندهم مرجئة. Donc le cheikh il explique que la narration qu'on avait lue à propos de justement, si je ne me trompe pas, c'était l'imam Abdullah ibn al-Mubarak yani rahimahullah, lorsqu'un homme lui a posé la question, ya Aba Abdurrahman, qu'est-ce que tu dis à propos de celui qui fait le zina, qui vole, qui boit de l'alcool? Et l'imam yani a répondu, je ne le fais pas sortir de la foi, la ukhrijuhu min al-iman, parce que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak l'a compris de la question, que la personne qui posait cette question là, il fait partie des khawarij qui veut faire le takfir des musulmans parce qu'ils ont commis des péchés, parce qu'ils font des grands péchés, donc ils considèrent qu'ils sortent de la foi. Alors l'imam ibn al-Mubarak il a répondu en disant, moi je ne le fais pas sortir de la foi. C'est-à-dire, celui qui commet ces grands péchés-là, je ne les fais pas sortir de la foi. Parce qu'il avait senti que cet homme-là fait partie des Khawarij. Et à ce moment-là, l'homme a répondu en disant, « Oh, Abu Abdurrahman, est-ce que maintenant que tu es devenu vieux, hein, tu as pris de l'âge, tu es devenu Murji'a, hein, tu es devenu Murji'a, hein, et pourquoi il dit ça ?» Pourquoi il lui dit qu'il est devenu un mourdi? Parce que il ne fait pas le takfir de celui qui commet des péchés. Et c'est ça la réalité des khawarij. Et le cheikh explique ici, cheikh Rabi'a hafizahullah, que les khawarij, en général, ils déclarent toujours les salafis, les gens de la sunna, comme étant des mourdi'a. Parce que pour eux, toute personne qui ne fait pas le takfir de celui qui fait des péchés, des grands péchés, ils considèrent que c'est un mourdi'a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont traiter de murji toute personne hein, qui ne fait pas le takfir des musulmans qui commettent des péchés. Et en particulier, les musulmans qui ne font pas le takfir des dirigeants et le takfir des musulmans qui ne font pas le takfir des ulama, ils les déclarent tous des murji'a. Et ils déclarent les ulama des murji'a et après ils font le takfir des ulama aussi. Et le cheikh dit pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le takfir de celui qui fait des péchés. Et ils ne le font pas sortir de la foi. Et c'est pour ça que pour eux, c'est des murji'a. Et aujourd'hui, tu vois, même à Montréal, ici, hein, des groupes de khawarij, et quand ils parlent des ulama d'Ahl Sunnah, et quand ils parlent de, par exemple, les salafis, ils les appellent des madakhila. Ils les appellent des madakhila, et ils disent ce sont des murji'a. Ils disent ce sont des murji'a. Et en même temps aussi, ils disent que ce sont des gens qui adorent les tawarites, comme ils disent. Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le takfir des dirigeants musulmans. Le cheikh, il dit, « Wa tab'an, ahlul bid'a wa dalal, yarmouna ahlul sunnati bil irja, wa yarmounahum bil tajsim, wa yarmounahum bil jahl, wa yarmounahum bil ta'ounin wa ta'oun. فأهل البدع لا يسكتون عن أهل السنة بل يطعنون فيهم كما هو حال الخوارج الجدد الحدادية بل هم الآن من أشد الناس طعنا في أهل السنة ومن أشدهم حربا على أهل السنة حيث إن علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء اليمن وعلماء العالم الإسلامي كلهم الآن عندهم مرجئة ومبتدعة ولا يعترفون إلا بشخص واحد تقريبا وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فقط ليندسوا من ورائه وليطعنوا في أهل السنة جميعا وهم والله بدأوا بالشيخ صالح الفوزان ورب السماء وأدينوا الله بأنهم يبغضونه ويحتقرونه. Donc le cheikh il dit, en réalité donc les gens de bid'a, les gens de l'égarement, ils accusent tous les musulmans d'Ahl Sunnah de faire partie des murji'a et d'avoir la bid'a de l'irja à propos de la foi. Et également les musulmans qui affirment les attributs d'Allah Azza wa Jal et qui affirment les noms et les attributs, ils les accusent d'être des Mujassima, donc il les accuse de tajsim. Et donc c'est comme tu entends par exemple de la part des Asha'ira ou bien des Ahbash, hein, quand ils parlent des musulmans d'Ahl Sunnah et des Salafis, ils disent ce sont des Mujassima ou bien des Mushabbiha. Et en français ils disent parfois des anthropomorphistes. Hein. Donc ça c'est des expressions que tu entends. Ils vont dire les Wahhabiya sont des Mujassima. Hein, des choses comme ça. Donc ça, c'est parmi les caractéristiques des gens de bid'a, c'est qu'ils vont accuser les gens d'Ahl Sunnah de faire partie de ces exemples de bid'a-là. Et même que l'imam yani Abu Zur'a al-Razi, il disait dans sa aqidah, Abu Zur'a et Abu Hatim, les deux imams, Ar-Raziyan, ils disent dans leur aqidah, wa min alamat ahl al-bid'a al-waqi'atu fi ahl al-sunnah ou fi ahl al-athar. Donc ça c'est une constante chez les gens de bid'a. Tu vas trouver que une de leurs caractéristiques principales, c'est qu'ils aiment attaquer et dénigrer et critiquer et insulter les ulama d'Ahl Sunnah, les ulama du hadith. Donc si tu vois des gens qui font ça, alors méfie-toi que ce sont des gens de bid'a, peu importe qui ils sont, et peu importe qu'est-ce qu'ils prétendent suivre. Et le cheikh, il dit que les gens de bid'a, donc ils ne se taisent jamais hein, vis-à-vis des gens de la Sunnah. Et souvent, vous allez entendre certains qui disent, à propos de Ahl Sunnah, hein, ils se plaignent des gens de la Sunnah en disant eux ils n'ont laissé personne, ils critiquent tout le monde, ils font le jarh wa ta'dil et ils dénigrent les du'at et ainsi de suite, comme si yani ça c'était un tort ou un mal, alors qu'en réalité la vérité à ce sujet-là, c'est que les gens de la Sunna, ils mettent en garde contre les innovateurs et les gens qui appellent à des bid'a, et ils avertissent les musulmans contre le danger de ces individus-là, hein, même si c'est des prêcheurs, parce que c'est des gens qui appellent à des bid'a et à des méthodologies de bid'a et de hezbiya, donc c'est obligatoire de mettre en garde contre eux. Alors que eux, de leur côté, ils ne cessent hein, de dénigrer et d'insulter et de critiquer et de mettre en garde et d'avertir les musulmans contre ceux qui s'accrochent à la sunna et qui s'accrochent aux ulama d'Ahl Sunnah, et eux, ils passent leur temps pour dénigrer les ulama d'Ahl Sunnah. Donc ça, c'est une de leur réalité. Et ça, c'est l'état des nouveaux khawarij à notre époque qu'on appelle les haddadiyya. Ils ont cette caractéristique-là aussi, parce que c'est eux les plus acharnés dans l'attaque et la critique des musulmans d'Ahl Sunnah. Et ils déclarent une guerre, parmi les guerres les plus dures contre les gens de la Sunnah. Et ça, tu le vois dernièrement dans les sites internet, et même sur YouTube et ailleurs, des posts qu'ils mettent pour critiquer les ulama d'Ahl Sunnah et les imams d'Ahl Sunnah. Et ils font des posts pour essayer de mentionner, soi-disant, les erreurs de ces ulama-là, qui sont en réalité même pas des erreurs, mais c'est juste eux qu'ils cherchent à, disons, c'est comme une genre de vengeance qu'ils cherchent à faire, en voulant dire, puisque vous nous avez critiqués et vous avez mentionné nos erreurs, donc nous, on va mentionner vos erreurs, maintenant. Et ça, c'est une attitude vraiment bizarre, de la part de quelqu'un. Puisque lorsqu'on mentionne les erreurs d'une personne, eh bien, ça devrait être fait pour Allah, Azza wa Jal, dans le but de donner la nasiha. Pas dans le but de se venger pour dénigrer une personne. Et si tu étais au courant de ces erreurs-là auparavant, pourquoi c'est seulement lorsqu'on a mis en garde contre toi et qu'on t'a critiqué pour tes erreurs que tu as commencé à critiquer les erreurs de l'autre? Si tu étais au courant de ces erreurs-là auparavant, pourquoi tu n'avais pas donné la nasiha pour Allah Azza wa Jal au sujet de ces erreurs-là? Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là, en réalité, ne sont pas sincères et qu'en réalité, ils ne cherchent pas réellement à donner la nasiha et à mettre en garde contre les erreurs des gens, mais ils cherchent uniquement à dénigrer et à rabaisser et à se venger personnellement. C'est des vengeances personnelles qu'ils cherchent à faire. Parce que si c'était réellement des erreurs, et si c'était vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il n'y aurait aucun problème à vouloir mentionner ces erreurs-là, puisque c'est une obligation de le faire, dans le but, justement, de faire en sorte que les personnes qui ont commis l'erreur puissent revenir sur leurs erreurs et se corriger de leurs erreurs. Donc, c'est pas un mal de mentionner les erreurs de quelqu'un et d'avertir contre ces erreurs-là. Au contraire, c'est un bienfait, et c'est une bonne action, et c'est quelque chose de louable. C'est quelque chose qui devrait être remercié de la personne qui fait ça. Mais eux, au contraire, si on parle de leurs erreurs, ou on mentionne leurs erreurs, ils se fâchent, et ils cherchent à se venger et à critiquer. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, c'est le cheikh Rabi' Hafidhullah, il dit non, les ulama de Mecca, de la Mecque, les ulama de Médine, les ulama du Yémen et les ulama de tout le monde musulman aujourd'hui, ces khawarij les considèrent murji'a, ils les considèrent comme étant des mubtadi'a. Ils ne reconnaissent personne, excepté une seule à peu près, et c'est Cheikh Salih Al-Fawzan seulement. Et ils essaient de s'infiltrer derrière lui pour pouvoir attaquer et critiquer tous les autres musulmans d'Ahl Sunnah. Et ils ont donc commencé avec le Cheikh Salih Al-Fawzan, et il dit, et je jure par le Seigneur du ciel, et je considère que ces gens-là, ils le détestent en réalité, et ils le méprisent, même s'ils se cachent derrière lui. Et le cheikh, il dit, les ulama de la sunna, ulama al-sunna, كلهم الآن عندهم هؤلاء عند هؤلاء المبتدعة مرجئة ويكون ومن يكونونهم ما ندري لهم ثلاثة رؤوس أو أربع بارزين فقط وهم من أضل خلق الله وأكثر ومن أكثرهم خيانة وفجورا فكيف بالمخفيين المخفيون يمكن فيهم باطنية وروافض والله أعلم فما أبقوا لأهل السنة شيئا وهذا حالهم الآن حرب أهل السنة Donc le cheikh, il dit que pour eux, tous les ulama, pour ces innovateurs, tous les ulama aujourd'hui sont des murji'a. Et eux sont qui? Qui sont-ils, ces gens, ces haddadiyya? Cheikh, il dit, on ne sait pas. Parce que souvent, ils attaquent les salafis et les ulama derrière des pseudonymes et des surnoms. Ils n'attaquent pas d'affront et directement pour qu'on sache qui ils sont. Ils se cachent. Et aussi, le cheikh, il dit, ils ont trois ou quatre têtes, hein, qui parlent en leur nom. Et il dit, ils sont parmi les plus égarés des créatures d'Allah. Et sont ceux parmi les hommes qui ont plus de traîtrise et de perversité. Alors, que dire de ceux qui sont cachés et qui attaquent en cachette parmi eux? On ne sait même pas, peut-être certains sont des batiniyas, hein, ils font partie des sectes de batiniyas, il y en a des ésotériques. Et d'autres font partie des shi'a rafida, hein, et ils se font passer pour des salafis, pour salir la salafia et les ulama salafiyin. Donc ça, c'est des choses qui sont concevables, c'est-à-dire c'est des choses qu'on peut comprendre, que c'est des infiltrés, des gens qui se font passer pour des salafis, pour salir les salafis. Allah al-musta'an. Après, le cheikh, il dit, « Wa qala ya Aba Abdurrahman, ala kibar al-sinn sirta murji'an. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Limadha? Liannahu lam yukaffir al-sariq wa al-zani wa sharib al-khamar. Faqala la taqbaluna al-murji'ah. » يعني تقول إني مرجع وهم لا يقبلونني لأني أخالفهم. ابن المبارك عنده الإيمان قول وعمل ولا يقول بالنقص, يقول بالتفاضل, ولم يعتب عليه أحمد بل دافع عنه, كان يتهرب من قضية النقص ويقول أقول الإيمان يتفاضل, ومع هذا لم يطعن فيه علماء السنة ولا الإمام أحمد وإمام أهل السنة طعن فيه. وقال ابن هاني في مسائله, سمعت أبا عبد الله سأل ابن أبي رزمة, ما كان أبوك يقول عن عبد الله بن المبارك في الإيمان؟ قال كان يقول الإيمان يتفاضل. قال أبو عبد الله, يا عجبا, إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه, وإن قال يتفاضل تركتموه, وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ أي نعم. وهنا ماذا قال؟ قال المرجع تقول حسناتنا مقبولة وسيئتنا مغفورة, يعني المرجئة يقولون هذا القول حسناتنا مقبولة لأنه لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة, فحسناتهم إذن مقبولة وسيئاتهم مغفورة. وقال لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. هذا الرجل له حسنات لا أول لها ولا آخر, وإذا كان كثير الإحسان كثير البر, عالما داعية مجاهدا, له شأن عظيم, ومع هذا انظر كيف يحتقر نفسه ويسيء الظن بنفسه رحمه الله, ويقول لو علمت أني قبلت مني حسنة لا شهدت أني في الجنة. لأنه عند أهل السنة لا يجوز أن تشهد لنفسك بالجنة. نعم, ترجو الله ويكون عندك رجاء في أن يدخلك الجنة, أما أن تجزم لنفسك أو لغيرك بأنه في الجنة فلا, إلا من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة كالعشرة المشهود لهم بالجنة, والجارية التي كانت تسرع شهد لها بالجنة, وعبد الله بن سلام وثابت بن قيس بن شماس. فهؤلاء النفر شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة, فنشهد لهم بالجنة. ومن سكت عنهم نرجو للمحسنين منهم ونخاف عليهم في نفس الوقت، ونخاف على المسيئين ونرجو لهم، ولا نيأس من رحمة الله، ولكن الجزم أن فلانا في النار أو فلانا في الجنة هذا لا، إلا من حكم الله عليه مثل فرعون وأبو جهل واليهود الذين ماتوا على اليهودية والنصارى الذين ماتوا على النصرانية، فهؤلاء كفار في النار. أما المسلمون فلا نجزم لشخص معين بالجنة ولا نجزم له بالنار، ونرجو للمحسنين ونخاف على العصاة ونخاف على الجميع ونخاف على أنفسنا. وهذا ابن المبارك خاف على نفسه، خاف على نفسه، فقال لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، ولكن لا يقطع أنه قبلت منه حسنة معينة فضلا عن حسناته كلها، لأن الأمر يحتاج إلى إخلاص. وأنتم تعرفون أن الصحابة كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، كما يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. انظروا الخوف من الله عز وجل، انظروا مراقبة الله عز وجل. On va traduire ça. Ici, le cheikh, il explique. Il dit qu'ensuite, le khariji, il a donc dit à Abdullah ibn al-Mubarak, maintenant que tu es devenu vieux, tu es devenu un mourji, hein? Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas le takfir de celui qui vole, de celui qui fait le zina, de celui qui boit de l'alcool. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a répondu en disant, non, je ne suis pas devenu mourji, parce que les mourji ne m'acceptent pas. Hein? En voulant dire, je ne suis pas un mourji. Hein? Parce que eux, ils ne m'acceptent pas parce que je suis en contradiction avec eux. Hein? Parce qu'il est salafi, il est sur la sunna. Et Abdullah ibn al-Mubarak, il dit que la foi, c'est composé des paroles et des actions. Et il ne dit pas que la foi diminue. Il dit que, il y a des aspects de la foi meilleurs que d'autres. Hein? Et malgré ça, yani les ulama l'ont défendu, les imams de Ahl Sunna l'ont défendu, comme l'imam Ahmad alayhi rahmatullah, il a défendu l'imam Abdullah ibn al-Mubarak à ce sujet-là. Parce que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il évitait de rentrer dans la question de la diminution de la foi. Hein? Et il disait, Al-Iman yatafadal. Yatafadal, c'est-à-dire dans la foi, il y a des caractéristiques ou des questions, des aspects ou des éléments de la foi qui sont meilleurs que d'autres. Ou certains sont meilleurs dans la foi ou ont une foi plus forte que d'autres. Donc il disait que les gens ne sont pas tous égaux dans la foi. Donc, ça veut dire que, en réalité, si on comprend cette signification-là, ça veut dire que la foi, elle augmente et elle diminue. Hein? Mais il le disait pas explicitement. Et malgré ça, les ulama ne l'ont pas critiqué, hein? Comme l'imam Ahmad, au contraire. L'imam Ahmad ne l'a pas critiqué, au contraire, il l'a défendu. Et ça, c'est rapporté dans une narration qui est citée par Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa. Il dit que Ibn Hadi a mentionné dans ses Masa'il, dans son livre, il dit, j'ai entendu le fils de Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, ou bien plutôt, il dit, j'ai entendu Abu Abdillah. Abu Abdillah, c'est l'imam Ahmad. Il dit que il a demandé, c'est ça, Samintu Abu Abdillah Sa'ala Ibn Abi Razma. C'est ça. Il dit, il a demandé à Ibn Abi Razma, qu'est-ce que ton père disait à propos de Abdullah ibn al-Mubarak, à propos de la foi. Et il disait, hein, il disait, que la foi, certains sont plus forts, ont une foi plus forte que d'autres. Et Abu Abdullah, l'imam Ahmad, il dit ça c'est étonnant. Et il dit, si il vous dit que la foi augmente et diminue, vous le lapidez. Et s'il dit, certains sont plus forts dans la foi que d'autres, vous le délaissez. Et il dit, est-ce que le fait que certains sont meilleurs dans la foi que d'autres, ça ne peut être le cas, sauf s'il y a une augmentation ou une diminution. C'est-à-dire, la foi d'une personne ne peut pas être meilleure chez une personne que chez l'autre, excepté s'il y a une augmentation et une diminution, en voulant dire que c'est la même signification, même s'il ne le disait pas explicitement. Donc, c'est pour ça qu'il le défendait à ce sujet-là. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, les murji'a, ils disent, nos bonnes actions sont acceptées et nos péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que les murji'a, ils considèrent que leurs bonnes actions, ils disent que le péché que quelqu'un fait, ça n'a aucun effet dans sa foi. C'est-à-dire que ça ne va pas faire diminuer sa foi. De même que la personne qui est mécréante, ça ne va pas lui profiter de faire des actes d'obéissance. Donc si tu es kafir, tu fais des actes d'obéissance, ça ne va pas te profiter. Donc si tu es un croyant et que tu fais des péchés, ça ne va pas non plus faire diminuer ta foi. Ça, c'est la position des murji'a. Mais c'est un qiyas qui est batil. Un qiyas batil. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que lorsque tu es kafir, que ta foi va... C'est pas parce que si quelqu'un est kafir, que les bonnes actions qu'il fait ne vont pas lui profiter, que le mu'min, s'il fait des péchés, ça ne va pas affecter sa foi. Il n'y a pas de relation directe entre ces deux questions-là. Et il dit donc qu'il considère que leurs bonnes actions sont acceptées et que leurs péchés sont pardonnés. Et lui, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, si moi je savais qu'une seule de mes actions était acceptée par Allah, j'aurais témoigné que je suis dans le paradis. Et le cheikh, il dit, ça c'est un homme, tu peux même pas compter ses hasanas tellement il en a. Il y en a tellement de bonnes actions qu'il faisait. Il faisait beaucoup de bonnes choses. Il faisait beaucoup d'actes de piété. C'était un savant. C'était quelqu'un qui appelait à Allah et qui faisait le jihad fi sabilillah. Donc il avait une grande importance dans la religion et dans la foi. Et regardez malgré ça comment il se méprise lui-même. Et comment il pense mal de lui-même. Il dit, si je savais que Allah accepterait une seule de mes actions, j'aurais pu témoigner que je serais au paradis. Mais il n'ose pas. Le cheikh, il dit pourquoi? Il dit parce que pour les gens de Ahl Sunna, pour les gens de la Sunna, il n'est pas permis à quelqu'un de témoigner qu'il est dans le paradis pour lui-même. On n'a pas le droit de dire à propos de soi-même, moi je suis au paradis ou je vais aller au paradis. Oui, tu peux espérer que Allah te fasse rentrer au paradis et que Allah va te faire rentrer. Mais d'être certain et de dire ça avec détermination comme si c'était certain que tu vas y rentrer, ou bien pour toi ou bien pour quelqu'un d'autre, il dit non, ça c'est pas permis. Excepté si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait témoigné que la personne en question allait être au paradis. S'il a témoigné de ça, à ce moment-là, oui, on peut le dire. Et il mentionne comme l'exemple des 10 personnes pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait témoigné qu'il serait au paradis. Et ensuite, il dit également la femme esclave, ou bien c'était une femme esclave qui travaillait dans la mosquée. Elle nettoyait la mosquée. Et c'est une femme qui avait des crises d'épilepsie. Et elle se dévoilait. C'était une femme noire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a demandé de faire des doigts pour elle, pour la guérir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soit je fais des doigts pour toi, puis tu seras guéri, ou bien tu vas être, ou bien tu es patiente, tu endures ça, et tu vas avoir le paradis. Alors, elle a répondu en disant, je vais être patiente. Je vais être patiente, parce qu'elle veut le paradis. Alors, elle a seulement dit, ô messager d'Allah, quand j'ai les crises d'épilepsie, si je me découvre, alors invoque Allah Azza wa Jal pour que je ne me découvre pas. Alors, il a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'elle ne se découvre pas. Alors, ça c'est l'exemple. Et les sahaba, quand ils ont vu cette femme, ils ont dit, est-ce que tu veux voir une femme parmi les femmes du paradis? Hein? Alors, ils ont dit, regarde cette femme. Et il montrait cette femme comme exemple. Abdullah ibn Salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi qu'il sera au paradis. Thabit ibn Qais, ibn Shammas, également, il y a des narrations qui prouvent que lui aussi, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera au paradis. Donc ces individus-là, ceux-là, on peut dire qu'ils sont au paradis. Mais ceux à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, alors à ce moment-là, on espère pour ceux d'entre eux qui faisaient le bien, on espère le paradis pour eux, et on craint pour eux en même temps, et on craint pour ceux qui font des péchés, et on espère pour eux le bien. Mais on ne perd pas d'espoir en la miséricorde d'Allah azza wa jal. Mais sauf qu'on ne va pas dire avec certitude un tel est au paradis, un tel est en enfer. Ou bien un tel, il est shahid, hein, il est martyr. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un, il est martyr avec certitude. Mais hein, on espère ça. Si c'est quelqu'un qui faisait le bien, on espère ça. Et si c'est quelqu'un qui faisait des péchés, on craint pour lui. Mais comme le cheikh il dit, on ne perd pas l'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il dit, excepté par exemple celui pour qui Allah a témoigné qu'il sera, ou il a jugé qu'il sera en enfer, comme Pharaon, comme Abu Jahl, comme les juifs qui sont morts sur le judaïsme, ou les chrétiens qui sont morts sur le christianisme. Ceux-là sont des kuffars et ils vont être en enfer. Ensuite, le cheikh il dit, mais les musulmans, hein, on ne peut pas dire à propos d'un individu en particulier que lui il va être au paradis. Et il dit, on ne peut pas dire non plus qu'il sera en enfer. Ceux qui faisaient le bien, on espère le bien pour eux. Et ceux qui faisaient des péchés, on craint pour eux. Hein? Et on craint pour tout le monde et pour nous-mêmes. Hein? Le châtiment d'Allah. Et Abdullah ibn al-Mubarak, il craignait pour lui-même. Et c'est pour ça qu'il a dit, si je savais qu'une seule de mes actions... de mes bonnes actions allaient être acceptées par Allah, j'allais témoigner que je suis au paradis. Hein? Donc, il ne veut même pas dire avec certitude qu'une seule de ces hasanat est acceptée d'Allah, Azza wa Jal. Encore moins de témoigner que toutes ces hasanat sont acceptées. Pourquoi? Parce que ça demande de la sincérité envers Allah. Et donc, vous savez que les sahaba, ils craignaient pour eux-mêmes l'hypocrisie. Hein? Et Ibn Abi Mulaika, il a rapporté, hein, qu'il a dit, j'ai rencontré 30 parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sahaba. Et il dit, et ils craignaient tous l'hypocrisie pour eux-mêmes. Ils craignaient tous l'hypocrisie pour eux-mêmes, un nifaq. Donc il dit, regardez la crainte d'Allah, regardez, hein, à quel point ces gens-là, ils se sentent surveillés par Allah et ils restent sincères envers Allah Azza wa Jal. Et ils craignent pour eux-mêmes dans leur sincérité envers Allah. Donc il n'y a personne là qui peut se penser à l'abri et de dire, bah, moi c'est garanti, je vais être au paradis, c'est certain. J'ai fait beaucoup de bonnes actions, Allah il ne va pas me punir, Allah il ne va pas me châtier, je suis garanti, hein, au paradis. Ça, c'est cette attitude-là, on n'a pas le droit de l'avoir. Hein. Il faut toujours avoir peur de ce qui nous attend dans l'au-delà. Et le cheikh, il va mentionner des exemples de ça, mais je ne veux pas continuer. Je vais m'arrêter ici pour maintenant parce que la prière, elle va commencer dans quelques minutes. Juste vous mentionner l'exemple qu'il a cité, le hadith. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي يعملون ويعملون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم فهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون أن لا يتقبل منهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة radiyallahu anha. Donc il mentionnait le verset dans Surat al-Mu'minun, le verset 60, ceux qui donnent en sadaqa, ce qu'ils donnent et leur cœur et leur cœur frémit à savoir qu'ils retourneront à Allah. Et Aisha radiyallahu anha, elle a dit, est-ce que ça c'est à propos de ceux qui font des péchés, qui désobéissent à Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Ça, c'est ceux qui font le jeûne, qui font la salat, qui font le jeûne, qui font la zakat et des bonnes œuvres. Et ils craignent que Allah n'accepte pas leurs œuvres. Donc aujourd'hui, yani, subhanallah, nous les musulmans, surtout dans ce pays, on fait le minimum de la religion musulmane et on pense qu'on est pieux à cause de ça. Alors que ces choses-là, si on compare à ceux qui sont dans les pays musulmans et qui pratiquent l'islam, comme par exemple à Mecca, à Médine, à Al-Madina et tout, ce que nous on fait comme le minimum, eux c'est pour eux c'est rien. C'est tout le monde fait ça là-bas. Même les mauvais musulmans, ils font ça. Donc imaginez les bons. Hein? Donc c'est pour ça que yani, des fois on voit le contexte. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on quitte ce pays-là pour aller vivre dans des pays musulmans. Non, ils se disent pas musulmans, ils sont des pays musulmans. Ben toi, tu es algérien, donc tu peux aller en Algérie. Et ça, c'est un pays musulman. Donc, en ce qui concerne les réfugiés, l'Arabie Saoudite accepte beaucoup de réfugiés. Et à chaque fois qu'il y a eu des guerres ou des malheurs dans différents pays musulmans, que ce soit en Bosnie, que ce soit en Palestine, que ce soit ailleurs, ils ont accueilli plein de réfugiés en Arabie Saoudite. Donc, oui, ils en acceptent. Mais, en même temps aussi, c'est sûr que les réalités de l'époque sont différentes que l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les différentes frontières, les différentes citoyennetés des pays. C'est sûr que ces choses-là, ça crée parfois des barrières entre les pays musulmans, mais c'est pas de ça que je veux parler, moi. Moi, je parle plus du point de vue, yani, du fait que quand un musulman il est dans un milieu ou dans un environnement musulman, c'est plus facile pour lui de s'épanouir dans sa foi et dans sa pratique religieuse que dans une société dans laquelle les gens ne croient pas en l'islam. Donc c'est aussi simple que ça, en fait. Et personne ne peut nier ça, en fait. Parce que c'est un fait. Et je peux te dire l'exemple que, par exemple, tu vas aller faire quelques temps vivre dans un pays musulman et tu reviens ici, tu sens la différence de ta foi quand tu es là-bas, comment elle augmente, et quand tu reviens ici, comment ta foi, elle diminue encore. Et comment parfois certaines adorations, quand tu es là-bas, tu les fais avec plus de facilité. Alors que quand tu reviens ici, on dirait que tu dois te forcer et te battre avec toi-même pour être capable d'arriver à les faire. Donc c'est pour ça, le musulman il devrait toujours essayer de chercher à aller là où il va être capable d'augmenter sa foi et d'être dans un environnement où sa foi va pouvoir être plus grande. Ça c'est chacun d'entre nous, on doit aspirer à ça. Hein? Maintenant, si on réussit ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est Allah qui donne le tawfiq. Et nasallallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadad wal-huda wal-rashad innahu waliyu zalika wal-qadiru alayh.